voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. L'avantage des thérapies alternatives est d'accompagner des personnes dans leur globalité. Ces thérapies prennent en considération les individus de façon holistique. Elles s'adressent tant au corps qu'à l'esprit. Tous les aspects des troubles, qu'ils soient d'ordre psychologique, physiologique, psychosomatique ou environnemental, sont pris en considération par ces médecines intemporelles. Les thérapies alternatives sont naturelles. Elles permettent de diminuer la consommation de médicaments et de réduire les effets secondaires liés au traitement allopathique. Souvent, elles accompagnent le corps et l'esprit vers l'auto-guérison. La voix du Kaizen donne la parole à ces thérapeutes alternatifs qui complètent la médecine allopathique en nous permettant de soigner notre corps et parfois notre esprit. Joël est somathérapeute, titulaire en pratique énergétique et psychocorporelle, sophrologue et conférencière. Elle est la fondatrice de la méthode du toucher de l'être, une approche spirituelle du corps et de l'esprit, une vision holistique de la complexité de l'être humain. Joël nous présente sa méthode et son parcours dans l'émission La Voix du Kaizen. Bonjour Alexandre. Joël, qui es-tu? Comment te présentes-tu? Alors, je me présente comme une somatothérapeute puisque j'appartiens à cette filiation professionnelle. La somatothérapie est une variante de la psychothérapie qui intègre le corps par le toucher. Pour ma part, j'ai fondé une méthode qui s'appelle le toucher de l'être, que j'ai fondée en l'an 2000 et que je transmets depuis une vingtaine d'années, enfin depuis 18 ans plus exactement. La somathérapie, avant que tu m'expliques ce que c'est, comment ça fonctionne, j'aimerais que tu reviennes un peu sur ton parcours de vie, ton itinéraire personnel. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, tu t'es interrogé, peut-être ou pas, sur l'être et sur la place de l'homme dans l'environnement ou sur la dimension de l'être? Alors effectivement, c'est un parcours qui a été un peu difficile. J'ai souffert dans mes chairs pendant une trentaine d'années, donc ce qui m'a invité à chercher. Et donc j'ai exploré différentes pratiques. Au début, comme c'était le corps qui me faisait souffrir, j'ai consulté plutôt des thérapies corporelles. Donc il y avait un soulagement, mais je n'étais pas guérie. Donc quelques années après, j'ai suivi une psychothérapie analytique, donc en donnant du sens et en trouvant les causes de mes maux, beaucoup de symptômes ont déjà disparu. Puis au fil de ce parcours, il y a eu aussi la rencontre avec des mémoires liées au transgénérationnel. Donc voilà, ça démarre pour moi à l'âge de 17 ans, quand j'ai une névralgie, enfin qui sera nommée comme ça par le système conventionné et conventionnel à l'hôpital, névralgie faciale, mais cette douleur, ils ne pouvaient pas la soigner, donc elle a duré 10 ans, ce qui est long, et j'ai commencé à me tourner donc vers les médecines alternatives, qui ont apporté beaucoup de soulagement, mais ne supprimaient pas la douleur. Donc j'ai compris plus tard dans mon itinéraire que supprimer la douleur, c'est un leurre, parce qu'en fait, cette douleur, elle parlait de moi, mais enfin, c'est plutôt mon inconscient qui tentait de dire quelque chose de mon histoire, mais je n'avais aucune idée de ça. J'étais jeune, j'avais 17 ans. Et puis, dans mon parcours, j'ai rencontré des gens qui m'ont encouragé à suivre une psychothérapie. Donc, j'ai suivi une psychothérapie dans un premier temps analytique. Et ça a apporté des réponses et des soulagements aussi dans le corps. Donc, j'ai commencé à prendre conscience du lien qui existait entre le corps et l'esprit. Donc j'étais jeune, après j'ai été atteinte par d'autres symptômes qui eux m'ont mis en lien avec le transgénérationnel, c'est-à-dire la mémoire de mes ancêtres. Donc j'avais aucune idée de cette réalité-là, je l'ai vraiment vécue dans mes chairs. Ça a duré 7 ans l'exploration pour me libérer des traces de cette histoire, de l'histoire de ma trisaïeule qui n'avait pas été parlée, un secret qui avait été gardé. Et en même temps, j'exerçais professionnellement. J'ai d'abord démarré aussi par un accompagnement au niveau du corps. J'étais sophrologue et puis je faisais du shiatsu et de la phytothérapie. Et donc, créer la méthode du toucher de l'être et devenir somatothérapeute, ça a été constamment une alternance entre pratique professionnelle et pratique personnelle. À chaque fois que je comprenais quelque chose, ça améliorait aussi ma pratique professionnelle et je pouvais mieux me mettre au service aussi des personnes qui me consultaient. Donc tout d'abord, j'ai pris soin du corps pour moi et pour ceux que j'accompagnais. Ensuite, j'ai vraiment mesuré l'importance de l'esprit. Et puis, bien sûr, je cherchais le sens de l'existence. Enfin, quel est le sens de souffrir, surtout que ça a duré quand même 33 ans, de 17 à 50 ans. J'ai 60 ans aujourd'hui. Donc ça a été vraiment un itinéraire ardu. Et pour le sens, la quête du sens, j'ai rencontré différentes voies spirituelles. Et depuis une vingtaine d'années, je suis disciple de la voie, enfin d'un maître indien, je suis cette voie et qui pour moi apporte vraiment beaucoup de réponses au niveau de la connaissance de l'esprit. Donc j'ai introduit dans ma méthode évidemment toute cette dimension. Donc tu as dit plusieurs mots qu'on va commencer à définir les uns après les autres. On va commencer par le transgénérationnel. Le transgénérationnel, c'est ce qui est transmis, hein, par les ancêtres, par les aïeux, mais transmis d'une manière inconsciente. Comment on sait que ça appartient à nos ancêtres? En tout cas, pour ma part, c'était lié aux symptômes que j'avais, aux rêves que je pouvais faire. Donc avec la psychanalyse, on a pu mettre des liens avec cette mémoire du passé qui se réactualisait dans mon présent. C'est ce qui s'est passé dans le passé, qui a atteint d'autres personnes qui, elles, n'ont pas pu le parler, qui n'ont pas pu le transformer. Hein, par exemple, quand moi je suis tombée malade en écho avec le transgénérationnel, avec les mémoires de ma famille, j'avais 33 ans et c'est l'âge où ma grand-mère, elle, est allée à l'asile. Donc, parce qu'elle, elle avait été souffrante aussi liée à cette histoire. Mais comment on fait? Parce qu'il y a un côté quand même assez, bon, pour quelqu'un qui a l'esprit cartésien, il y a un côté très ésotérique. Comment est-ce qu'on fait pour remonter dans son passé, ou dans le passé des mémoires de sa famille? En fait, il faut comprendre que dans l'inconscient, il n'y a pas de temps. Hein, on peut tout à fait vivre aujourd'hui une situation difficile alors qu'elle nous a affectés 10 ans, 20 ans, 30 ans avant. Le temps, enfin, n'est pas limité dans l'inconscient. L'inconscient, c'est un grand réservoir qui accueille, qui a en mémoire tout ce qui s'est passé de notre inconscient personnel, de notre histoire personnelle, mais aussi de nos ancêtres et du collectif. On n'est pas seulement lié à notre histoire personnelle. Alors comment on fait? Déjà, ce sont les symptômes qui m'ont interpellée, et puis les rencontres qui ont fait qu'on a pu me diriger vers quelqu'un par rapport à ce que je disais, par rapport aux cauchemars, par rapport à ce que je pouvais vivre intérieurement. Et ça ressemblait vraiment à quelque chose qui se mettait en lien, pas avec ce que j'avais vécu moi dans mon enfance. Donc ce sont des personnes qui sont spécialisées dans cet accompagnement. Et le support, c'est comme en psychanalyse, ben c'est la parole, ce qui va être bien sûr exprimé, mais il y a beaucoup les rêves aussi. Mais donc en faisant un travail sur le transgénérationnel, on va pouvoir identifier une blessure de l'âme, de l'esprit, ou une blessure en tout cas qu'on a, et la guérir. Alors, la guérison, elle advient quand on a reconnu la réalité que le sujet a vécue. C'est une reconnaissance de ce qui s'est passé. Donc, le fait que ça soit identifié, que ça soit repéré, cette reconnaissance, elle-même, participe à la transformation de l'histoire. Donc, on aurait tous intérêt à faire un travail sur le transgénérationnel pour essayer de voir quelles sont les casseroles de nos ancêtres et voir comment pouvoir s'en libérer. Tout le monde n'est pas amené à faire ce travail. Tout le monde a hérité de ses ancêtres, mais tout le monde n'est pas amené à faire ce travail. Je me souviens que la personne qui m'a formée, parce qu'ensuite, après, je me suis formée au transgénérationnel, certaines personnes vont être appelées. Moi, dans ma famille, j'ai été la seule à présenter des symptômes, à être interpellée par cette histoire. Si le chemin de transformation passe par là, ça va s'imposer de toute façon. Et la vie nous soutient aussi, parce que on est bien sûr corps, esprit au sens, il y a les traces de notre passé, toute notre dimension psychologique, comment on a fonctionné au monde, comment on a été formaté, comment on a été conditionné, mais on est aussi traversé d'une conscience suprême, qui est la, que l'on appelle la pleine conscience, selon les écoles, hein, selon les tendances, les mouvements spirituels. Mais donc on va être soutenu aussi par cette réalité. Ce que je trouve intéressant dans les rencontres que je fais avec tous les gens sur cette thématique des thérapies alternatives, c'est que je prends conscience, bon, je savais déjà un petit peu avant, qu'en médecine allopathique, on va soigner une douleur avec un médicament très efficace mais radical, sans jamais s'intéresser à la cause, aux racines du mal. Et dans tout ce qui est thérapie alternative, on va gratter un peu plus loin, on va s'occuper de ce côté holistique, donc les différents corps de l'être humain, pas seulement un corps physique, mais aussi un corps émotionnel et un corps spirituel, ou peut-être encore d'autres aspects de l'être. Et je trouve ça assez fascinant. Est-ce que toi tu observes aujourd'hui une convergence entre la médecine allopathique et les thérapies alternatives? Je pense qu'elle va vraiment dépendre de l'ouverture du thérapeute. Pour ma part, je n'ai pas trouvé beaucoup d'ouverture du côté de l'allopathie, parce qu'elles ont une vision qui est la leur, mais qui est plutôt limitée, qui va ramener au corps. Et, alors que le corps, pour moi, si j'ai mis en place cette méthode, c'est aussi pour témoigner avec tout ce que j'ai intégré, tout ce que j'ai pu comprendre, que le corps est avant tout le lieu de notre incarnation, c'est-à-dire de notre réalité éprouvée. Et nous ne sommes pas que le corps, nous sommes aussi psychologiques, enfin on a une dimension psychologique et une dimension spirituelle. Donc c'est une approche très yogique de ma part, c'est-à-dire nous sommes une unité, une et indivisible. Donc tout a un écho, c'est-à-dire si il y a des symptômes dans mon corps, il y a peut-être à regarder, pas systématiquement et pas tout le temps. Hein, si j'ai trop forcé au jardin, que j'ai mal au dos, c'est clair que ça va être lié au jardin. Mais il y a certaines douleurs qui vont persister, quels que soient les traitements. Les traitements qui sont donnés en allopathie, elles peuvent parfois soulager, mais ce qui n'est pas toujours vrai. Et puis, il y a aussi tous les effets secondaires. Et là, on se prive de venir écouter ce que le symptôme tente de nous dire. C'est-à-dire, le symptôme, c'est une part de nous. Il ne vient pas de l'extérieur. Ce n'est pas un corps étranger à moi-même. Quelque chose se passe à l'intérieur qui me met en désaccord, en déséquilibre, en fragilité. Et je vais somatiser ou pas. Est-ce que tu peux me donner un exemple concret ? Alors, si par exemple, je vais dire je, mais c'est si je ne sais pas exprimer ma colère et que je ne peux pas l'exprimer, parce que la colère, c'est une façon de pouvoir exprimer soit un mécontentement, soit un refus. Ce n'est pas une émotion séparée de mon état d'être. Si je ne peux pas l'exprimer, que j'ai 3 ans, que j'ai 5 ans, que j'ai 20 ans, je vais la contenir et je vais la retenir. Donc, comme corps et esprit ne sont pas séparés, dans le corps, il va y avoir des contractions. Et cette contraction, elle va s'inscrire soit sur un organe, enfin, soit sur une partie du corps, ça c'est clair. Et la colère, c'est du feu. Donc, peut-être que je vais faire de l'eczéma. Je dis bien peut-être, ce n'est pas systématique, tous les colériques ne font pas de l'eczéma. Et l'eczéma, toutes les causes de l'eczéma ne sont pas de la colère. Je donne juste un exemple. Ou alors, ça peut être des ulcères. Des ulcères à l'estomac, des problèmes d'hémorroïdes. Enfin, il y a toutes sortes de manifestations que l'inconscient va emprunter parce que le symptôme, on dit bien que c'est un symbole, c'est une manière de symboliser la parole qui n'a pas pu se dire. Je vais choisir une forme symbolique pour tenter de dire quelque chose parce que je ne sais pas le dire autrement, parce qu'on ne m'a pas appris à le parler. Donc dans mon travail, il y a un temps très important de parole pour identifier, reconnaître la personne dans ce qu'elle a éprouvé. Et ensuite, je fais un soin au niveau du corps, dans la résonance qu'il y a pu avoir au niveau du corps. On va s'intéresser à ton travail. Et donc maintenant, j'aimerais te demander que tu me définisses le mot somathérapie. Alors, somatothérapie. Donc soma, qui vient du grec, qui veut dire corps, et thérapie, qui prend soin du corps, mais sans séparer le corps de l'esprit. Donc c'est une famille professionnelle qui a été créée par le docteur psychiatre Richard Meyer il y a environ une trentaine d'années, qui a eu le mérite de soutenir toutes ces professions qui faisaient lien, sans être pour autant psychologue ou psychiatre ou médecin. De là sont nées des écoles avec des formations. Et la somatothérapie, en tout cas, enregistre et reconnaît tous ces métiers qui font le lien. Alors il faut quand même distinguer chez les somatothérapeutes, comme chez les psychothérapeutes, même si aujourd'hui on ne peut plus employer ce titre, il y a différentes écoles pour être formées, comme en psychothérapie, c'est-à-dire les écoles plutôt à tendance freudienne ou lacanienne ou jungienne. En somatothérapie, il y a différentes formations. On peut être somatothérapeute et proposer du massage, mais être attentif à l'esprit sans pour autant le traiter. Ça, ce sont les praticiens qui ont suivi une formation, mais qui ne sont pas encore titulaires. Le titulaire, lui, doit répondre à un cahier des charges. Enfin, il a dû faire un certain nombre d'années d'études et puis un minimum de 5 ans d'analyse. donc il y a une autre exigence. Il est plus à même, non seulement de faire le lien entre le corps et l'esprit, mais de pouvoir accompagner le chemin de transformation. Vous écoutez La Voix du Kaizen. Le corps et l'esprit. Donc le corps, je me représente bien ce que c'est. Je peux le toucher, je peux le palper, je peux le voir, je peux le sentir. L'esprit, j'ai beaucoup plus de mal. Évidemment, c'est très subtil. Alors, par exemple, dans la psychologie yogique, on va dire que l'appareil psychique ou la dimension psychique, c'est lié à tous nos conditionnements et aux traces de notre passé. C'est aussi le siège de nos émotions et de nos sentiments. C'est tout ce que nous tentons d'exprimer au niveau de notre sensibilité et de notre façon de penser aussi. La pensée et les sentiments, c'est impalpable et pourtant nous sommes constamment animés. Hein? Voilà. Nous sommes animés finalement de l'invisible et du subtil. Et dans la somatothérapie, donc l'esprit a toute sa place. En tout cas, il est considéré. Et alors après, il peut y avoir des, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs spécialités. On peut être psychanalyste et puis aussi proposer une pratique corporelle. Moi, par exemple, dans le toucher de l'être, mon approche, elle est, je croise constamment la psychanalyse. En tout cas, j'essaye de pouvoir donner du sens. J'ai une pratique énergétique, mais qui s'inspire de l'ostéopathie et de la fasciathérapie sans que ça en soit, puisque j'ai créé ma propre méthode. Et puis, je considère la personne dans sa dimension spirituelle. Je ne l'identifie pas à son histoire. Elle est bien plus que ça. Le toucher de l'être. Donc ça, c'est toi qui as développé cette méthode. Voilà, je l'ai mise en place quand, pour moi, quand toutes les dimensions ont été rassemblées et n'ont plus été divisées. Parce que comme je le disais au début, j'ai d'abord pris soin de mon corps, donc j'avais bien conscience de mon corps, parce que j'étais interpellée par celui-ci. Après, de mon esprit, la dimension psychologique. Et puis, pour donner du sens, je me retrouvais dans certains lieux de retraite spirituelle. Mais tout ça, c'était séparé. Et c'était encore un peu séparé à l'intérieur de moi. Et puis, cheminant avec les années qui passent, tout d'un coup, ça s'est unifié. J'ai vraiment senti cette réunification. Et j'ai eu envie de proposer quelque chose qui tienne compte des trois. Qui va venir te voir et quels sont les symptômes des personnes qui vont venir à toi? Si on peut parler de symptômes, est-ce que le mot symptôme est juste? Oui, c'est juste parce que pour exprimer la souffrance, parce que moi, la phrase qui sous-tend la méthode, c'est transmuter la souffrance en mouvement de vie. Donc la souffrance, pour s'exprimer d'un niveau inconscient, elle n'a que deux voies pour s'exprimer, soit la dépression, soit la somatisation. Donc, je vais avoir deux types de personnes qui me consultent, soit parce qu'elles sont animées d'un mal-être profond, hein, donc avec des sentiments peut-être parasites, toxiques, tous les sentiments qui font qu'on est humain, comme la dévalorisation, le manque de confiance, ça peut être aussi des sentiments de jalousie, ça peut être la peur de pouvoir s'exprimer, ça peut être des colères justement qui sont excessives, enfin tout ce qui fait qu'on connaît tous, mais quand ça devient trop débordant, c'est plus viable en société ou en famille. Donc ce mal-être va être accompagné, et ce mal-être, souvent il a une origine, il va être visible parce qu'il va y avoir un phénomène qui va déclencher, hein, mais il a son origine dans l'histoire familiale la plupart du temps. Donc ça va être inviter la personne à pouvoir faire des liens, à aller se reconnaître, hein, dans ce qui est en train de s'exprimer pour elle, et ensuite de pouvoir l'accompagner jusque dans son corps, dans l'impact, dans l'écho que tous ces sentiments ont laissé, hein, comme souvenir. Mais donc c'est essentiellement de l'ordre émotionnel. Personne ne va venir te voir avec un mal de ventre, un mal de tête ou... Si, ça c'est le deuxième cas de personne qui va d'abord être interpellée par son corps, comme moi par exemple, j'ai d'abord été interpellée par mon corps, mais qui sont arrivées au bout d'un cheminement. Elles ont souvent consulté plein de... que ce soit d'abord l'allopathie, on fait tous un peu comme ça, c'est notre médecine conventionnelle et conventionnée. Parfois, souvent, elles ont suivi d'autres thérapies alternatives aussi, mais elles n'ont pas encore eu la réponse. Et elles pressentent qu'il y a un lien entre leur corps et leur esprit. Elles savent bien qu'elles commencent à tomber malades ou que certaines douleurs s'aggravent, elles ont pu l'observer dans certaines situations. Mais qu'est-ce qui se joue dans cette situation, hein? Et voilà, donc je les accompagne à trouver du sens, à ce qu'elles soient reconnues dans la douleur qui se manifeste dans leur corps. Je ne suis pas médecin, mais je prends soin de l'être, y compris jusque dans son corps. Ça peut être des problèmes digestifs, je les envoie toujours d'abord vérifier au niveau médical ce qui se passe. Mais ce n'est pas séparé, parce que même s'il y a un soutien médical, il y a comment c'est vécu. Par exemple, récemment, j'ai accompagné une jeune femme qui a fait un cancer, un cancer a été détecté au niveau de son utérus, au même âge où sa mère était morte aussi de cette maladie. Donc elle a été interpellée et elle a pu parler de la douleur, bien sûr, d'avoir perdu sa mère quand elle était si jeune. Mais elle faisait le même symptôme, fait une répétition. Donc juste le fait de pouvoir mettre en mots, de pouvoir identifier l'origine d'un symptôme, d'une douleur, de quelque chose à guérir, juste le fait de l'identifier permet déjà de faire un chemin vers la guérison. Oui, parce qu'en fait, c'est pas le symptôme qui est identifié, reconnu, c'est le sujet, c'est la personne. Elle est enfin reconnue dans ce qu'elle a éprouvé, ce qu'elle a vécu. C'est ça le plus important, c'est la reconnaissance du sujet. Tant que le sujet n'a pas été reconnu, eh bien le symptôme va s'exprimer. Ça va être une forme pour tenter de dire quelque chose. Alors il y a ça, et puis en tout cas moi dans la proposition de mon accompagnement, c'est aussi d'accompagner le corps. Alors accompagner le corps, j'accompagne surtout le souffle vital qui anime le corps. C'est-à-dire que la vie nous est donnée et elle nous est accessible. Donc, dans le yoga, on appelle ça le prana, c'est une énergie plus subtile qui est contenue au cœur même de l'inspire et de l'expire. Et il anime ce prana, il anime la totalité de notre corps physique. Et donc, moi, je vais surtout écouter la mobilité du corps et ce mouvement respiratoire. Alors, c'est ce qui se passe, par exemple, en ostéopathie. On va écouter le mouvement respiratoire. Mais là, moi, si la respiration est restreinte, alors je sais que c'est la personne qui s'est restreinte, qui a fermé à un moment donné de son existence. Et je vais être attentive sans cesse à ce qu'elle, elle a inscrit d'elle dans ce corps. Le fait de l'observer de cette façon-là, elle est invitée à s'observer de cette façon-là. C'est là vraiment la façon dont on va considérer l'autre qu'il va pouvoir se considérer. Si je le vois que corps, je le limite et je ne tiens pas compte de ses sentiments. Si je le vois que psychologique, j'oublie qu'il a un corps et j'oublie aussi qu'il est animé de la grande vie qui le traverse. C'est aussi pouvoir l'inviter, c'est le but du chemin, l'inviter à se relier à la source de la vie. Il y a un praticien en médecine chinoise reliait les émotions aux organes, la colère, le rein, la joie, je ne sais plus. Est-ce que tu tiens compte de ça? Est-ce que tu vois aussi une sorte de complémentarité entre ce qui se passe en Orient, en Occident? Est-ce que tu as... Ah mais oui, c'est sûr que les pratiques orientales, enfin la pensée orientaliste a énormément influencé les médecines alternatives, puisqu'il y a cette... considération de l'être dans sa globalité. Donc nous faisons partie d'un tout et ce tout nous traverse. Voilà. Et donc pour moi c'est très important aussi de pouvoir reconnaître ce tout qui est à l'œuvre et sur lequel je peux prendre appui. C'est une posture intérieure que l'on va découvrir beaucoup en méditation. Donc je pratique la méditation depuis bientôt une quarantaine d'années. Et ça n'est pas on ne peut pas l'appréhender par le mental. Voilà. Le mental, c'est intéressant. On parlait de la peur, quelqu'un qui a peur de quelque chose. C'est souvent quelque chose qui va nous limiter, nous empêcher d'avancer sur notre chemin de vie. Qu'est-ce qu'on va faire pour travailler sur ces peurs? En fait, c'est pas tant travailler sur les peurs que de considérer la personne dans sa peur. C'est un peu différent. C'est pas de placer l'émotion ou le sentiment comme un objet. C'est reconnaître que le sujet est en train de vivre quelque chose à travers ce qu'il nomme la peur de perdre, la peur de la rupture. Il y a déjà à aller entendre comment est vécue cette rupture, peut-être qui est en cours dans un couple, ou bien la perte d'un être cher. Enfin, mais il y a souvent un lien plus profond, enfin une origine plus profonde, c'est-à-dire si j'ai peur de me séparer de mon mari ou de ma femme et que j'y suis attachée, c'est pas forcément qu'il y a un lien, c'est un attachement, c'est que j'ai besoin de me sécuriser, que cette sécurité m'a peut-être manqué à un moment donné dans mon parcours de vie. Donc c'est aussi faire lien et retrouver l'enfant blessé en soi qui a été apeuré et qui va se représenter à un moment donné dans la vie adulte. C'est souvent comme ça que ça marche. Donc de dire, oui, les reins, par exemple, sont le siège de la confiance et aussi de la peur, il faut veiller à ce que ça ne limite pas l'homme juste dans cette reconnaissance-là. Joëlle Romanet, tu me disais que tu organises des stages et des conférences. Quelques conférences pour faire connaître la méthode. Et puis, j'anime donc depuis une vingtaine d'années. On a dédié ce lieu au toucher de l'être, à la transmission. Pendant 18 ans, j'ai accompagné surtout des thérapeutes. Il peut y avoir des médecins, des ostéopathes, des kinés, des gens qui étaient dans le massage. Enfin, toutes les personnes qui soutiennent d'autres personnes, soit par une pratique corporelle, soit par une approche en psychologie, mais ils avaient besoin de faire cette unité, rejoindre les trois dimensions. Donc voilà, jusqu'à maintenant, j'ai accompagné pour former des praticiens. Et cette année, la nouveauté, c'est que je mets en place des retraites, pas pour accompagner d'autres, pas pour apprendre à accompagner d'autres, mais pour apprendre à cheminer personnellement pour son propre accomplissement. Donc des gens peuvent venir ici dans ce lieu et partager ton quotidien. Alors mon quotidien dans la transmission, il y a un programme, c'est organisé. Et puis il y a aussi, comme on en parlait tout à l'heure, les séjours de ressourcement. Les gens viennent souvent de loin, ils ont eu mes coordonnées et je les accompagne dans une étape de leur vie. Voilà. Et donc ils reçoivent les soins. J'ai écrit un livre qui s'appelle « Transmuter la souffrance en mouvement de vie » et l'intention que j'ai mis en écrivant ce livre, c'était vraiment qu'il soit aidant et soutenant pour les personnes qui souffrent. C'est de ne pas s'installer dans la posture de la victime, comme si on ne pouvait rien faire face à sa souffrance. J'ai parfois des situations extrêmement difficiles à traverser dans l'existence, mais redevenir disciple de sa vie. C'est-à-dire, toutes les souffrances sont des messages qui nous sont lancés pour nous transformer aussi. Voilà, donc c'est peut-être comme ça que j'aurais envie de terminer. C'est que si la souffrance recouvre l'accès à notre cœur, il y a une dimension en nous, voilà, peut-être ça aussi qui est important pour moi, il y a une dimension en nous qui n'est pas altérée par notre histoire et nous avons à la retrouver. Et il n'y a pas si longtemps, un homme est venu me voir en consultation et j'ai beaucoup aimé, comme il a dit, il est venu, c'est les premières paroles, il a dit « Je pressens, j'ai la nostalgie de mon être, je voudrais le retrouver ». Voilà. Et c'est vraiment de cette manière-là que j'accompagne les gens. Je ne les identifie pas à leur bazar, je ne les identifie pas à leur souffrance, mais je les accompagne. Et je sais qu'au bout, ils vont trouver la lumière, ça c'est sûr. Je l'ai trouvé et je suis guérie aujourd'hui. Une question que j'ai posée plusieurs fois, donc je la pose aussi, c'est quelle est ta définition pour toi d'un être humain ? Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Pleinement humain. Je pense qu'il y a des niveaux d'humanité à l'intérieur de nous qui sont à reconnaître. Si je suis identifiée qu'à ma dimension psychologique, aux traces de mon passé, à mes émotions, à mes sentiments, et pourtant Dieu sait, c'est humain et elle m'anime, je suis humain mais limité. Et puis il y a l'humain avec un grand H, qui a une vision plus élargie de l'ensemble et qui va se reconnaître animé de ce tout et faisant partie de ce tout. Et qui aura probablement accès à la grandeur de son cœur. Et l'humain peut passer, l'humain avec le petit H peut passer du petit H au grand H ? Oui, ça. Déjà, c'est le but de mes retraites, c'est de pouvoir apprendre à discerner ce qu'on appelle le petit moi, qui est indispensable, et puis reconnaître la dimension de son soi. La voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine.